ce que j'aime entreprendre qui compte. D'après ce que mon pote Alexandre me raconte, fais ce que tu aimes apprendre, sauf ta honte. Sans me noter ce que tu aimes apprendre, et sois prompt, et sois prompt. Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan. Les désirs posent mon regard sur tout ce qui s'y passe. Quelque chose de bizarre me titille et m'agace. Et cause de part en part des brilles sur ma face, que pour finir elle n'ose un regard. Elle se casse, elle se casse. Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone. No more, no more, no more, no more, no more. Mental slavery, no more. Bad things and devil philosophy, no more. Mental slavery, no more, no more. Bad things and devil philosophy, no more, no more. Mental slavery, no more. Bad things and devil philosophy, no more. Mental slavery, no more. Bad things and devil philosophy. Hey. Se plaindre de son futur, tout comme pour peindre sur un mur avec une idée de toi obscure, qui malgré toi prendra figure sur le mur. Malgré toi prendra figure sur le mur. Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone. Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan. No more, no more, no more, no more, no more. Hey. Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan. A toujours se plaindre de son futur, tout comme pour peindre sur un mur avec une idée de toi obscure, qui malgré toi prendra figure sur le mur. Malgré toi prendra figure sur le mur. Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone, Badijan, Babylone. No more, no more, no more, no more, no more. Mental slavery, no more, no more, no more. Bad things and devil philosophy, no more. Mental slavery, no more. Bad things and devil philosophy, no more, no more. Mental slavery, no more. Bad things and devil philosophy, no more. Mental slavery, no more. Bad things and devil philosophy.